Je voulais pour nous deux bien mieux qu'une croyance. Alors je t'ai trouvé une sorte d'église dont les murs ne sont pas couverts de faïence ni de marbre. Les vitraux je les brise, les piliers sont des arbres. L'autel est un rocher tapissé de lichen. On n'y parle ni pardon ni péché, on n'y fait pas commerce de douleur et de peine. On n'y adore ni Dieu ni diable, mais la beauté des corps et le sort qui a mis ton amour dans mes veines. Je nous veux sans frontières, sans limites et sans lois. Qu'avant nous, tout ça n'existe pas. Nous deux, nous méritons bien plus haut qu'une voûte. Alors je t'ai trouvé une plaine sans route et sans autre limite que les points cardinaux. Et sans trace que celle de nos chevaux qui absorbent l'espace. Au sommet d'une colline, j'allume une flamme pour qu'on sache qu'un homme et une femme fêteront sous la lune la nuit de l'origine. Un sacrifice au bonheur de leurs âmes, au futur de leurs fils. Ici, les dieux s'adorent sans aucun artifice. Je nous veux sans frontières, sans limite et sans loi. Je veux te respirer, te vivre et vivre en toi. Et croire qu'avant nous, tout ça n'existait pas. Et croire qu'avant nous, tout ça n'existait pas.